CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission entièrement dédiée à l'expérimentation sonore et aux musiques qui sont merveilleuses parce que nouvelles, inattendues et souvent inclassables. Vous l'aurez sans doute remarqué, je devrais dire même entendu, les sonorités que l'on retrouve dans ce monde des arts sonores sont toujours l'expression de certaines esthétiques ou encore certaines manières. L'esthétique bruitiste, par exemple, l'une des plus connues, tire ses origines de sonorités industrielles et des machines tonitruantes. On pense évidemment au Manifeste des bruits de Luigi Russolo comme source d'inspiration. L'esthétique techno, quant à elle, s'alimente de sonorités et de tempos issus des flux électriques et de composantes électroniques. L'esthétique audio, proprement dite, puise, quant à elle, à l'univers de la captation et de la transmission du son par le haut-parleur et le micro, qui constituent des adjuvants de premier plan. Cela dit, vous avez compris, il s'agit essentiellement d'esthétique en lien direct avec le domaine et l'histoire des arts sonores au sens large. Il y a donc en contrepoint de ces esthétiques relativement connues des œuvres sonores qui puisent leur singularité dans des esthétiques qui appartiennent à des univers plus vastes que le seul champ des arts du son et de la musique, des œuvres qui s'inspirent notamment de philosophies artistiques et de visions du monde qui débordent assez largement le spectre sonore. C'est ce que j'aimerais illustrer et vous présenter ce soir à travers la très intéressante démarche artistique et sonore de l'artiste Alice Kemp. C'est une artiste du Royaume-Uni dont l'univers sonore, poétique et visuel est inspiré par une esthétique de l'envoûtement, de la magie, du rituel mystique et on pourrait dire des profondeurs de la psyché. Alors, en guise d'introduction, je vous fais entendre l'extrait d'une pièce qui s'intitule « Decay and Persistence », que je traduirai par les termes « décomposition » et « continuité ». Une œuvre créée pour accompagner une longue performance des artistes britanniques Weeks and Whitford, qui réalisent des performances participatives complexes et intenses sur le plan physique et émotionnel. Leurs thèmes de prédilection sont la bienveillance, la jalousie, le péché et le repentir, l'espoir et le désespoir, des rituels de guérison et la magie, autant de thèmes qui sont sous-jacents aux œuvres sonores d'Alice Kemp. On vient d'entendre Decay and Persistence de l'artiste Alice Kemp, une pièce, vous l'avez entendu, qui combine le tic-tac des horloges à des grondements, des crépitements, du silence, des ronflements sous-marins, de manière à créer des effets de tension suscitant l'imaginaire tout autant du côté de la peur que de la fascination. Alors Alice Kemp est une artiste multidisciplinaire du Royaume-Uni qui vit et travaille dans le sud-ouest de l'Angleterre. Sa démarche artistique qu'on pourrait qualifier d'occulte englobe depuis une vingtaine d'années la musique expérimentale et la composition audio, la performance rituelle, le dessin, la peinture, la fabrication de poupées grotesques, la poésie libre et l'installation. Grandement inspirée par le rêve, la tension émotionnelle et les états de transe, son travail artistique est décrit comme hypnotique, aussi dérangeant que beau, sombre tout autant que réfléchi, en tout cas c'est déroutant comme environnement sonore. Elle s'est produite en solo et en collectif au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et au Japon. Elle a diffusé notamment sous le nom de Germseed. Alice Kemp collabore en outre au groupe d'artistes Shimfloor, animé notamment par l'artiste Rudolf Eber, figure centrale de ce collectif légendaire qui combine des pratiques artistiques inspirées de l'actionnisme viennois, des sonorités industrielles et de la performance rituelle. Dans cette veine, donc, je vous propose l'écoute de pièces tirées d'un fort bel album, intitulé « Fill my body with flowers and rice ». C'est un album qui reflète à merveille l'évocation d'un monde obscur et mystérieux, inspirant tout autant l'inquiétude émotionnelle que la méditation hypnotique et qui comporte deux compositions de Rudolf Eber, animateur du groupe Shimfloor Group. Thank you. Thank you. Je vous présente maintenant, pour compléter la première partie de l'émission, une autre pièce tirée de l'album « Fill My Body with Flowers and Rice ». C'est une pièce intitulée « Une corde aux étoiles, Rope to the Stars ». Il s'agit d'une pièce qui résume les rêveries morbides et sublimes d'Alice Kemp, une évocation d'un monde en décomposition, truffé de vitalité cauchemardesque et de sauvagerie. Le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est qu'il y a dans cette pièce une certaine idée de l'horreur qui côtoie, je dirais, une certaine idée du sublime. Alors, on écoute ça, « A Rope to the Stars ». Voilà ce qui complète maintenant la première partie de l'émission autour du travail sonore de l'artiste Alice Kemp. Je vous reviens après un bref battement promotionnel, alors restez des nôtres. CKRL.qc.ca. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors, rebonsoir tout le monde. C'est la Croche-Oreille sur les ondes de la Bonne Antenne, CKRL 89.1. Je vous présente ce soir les œuvres sonores de l'artiste multidisciplinaire Alice Kemp, une artiste du Royaume-Uni dont le travail sonore est inspiré par une esthétique de l'envoûtement, de la magie, une démarche inspirée des rituels mystiques, inspirée aussi des profondeurs de la vie psychique, une esthétique sonore qui n'est pas sans rappeler, dit-on, dans la culture populaire, les films d'horreur, les récits dystopiques, les histoires maléfiques. Cela dit, dans la culture artistique, on peut sans doute associer la démarche d'Alice Kemp à une longue tradition d'art grotesque, voire gothique, une tradition nourrie des œuvres de Jérôme Bosch, de Bruegel, Fuseli, et plus près de nous, des univers de Georges Bataille, Louis Buñuel, Otto Rapp, des activistes viennois, comme on l'a évoqué en première partie, et de Marina Abramovic, pour en citer quelques-uns, quelques-unes. Alors, Alice Kemp, artiste multidisciplinaire, s'adonne à la création sonore, mais aussi à la poésie et aux arts visuels. Elle a notamment créé, au début des années 2000, un corpus de poupées grotesques et insolites qui font penser aux créatures de Hans Bellmer et qui va inspirer un travail sonore très singulier dont je vous propose l'écoute ce soir. D'abord, j'y vais pour trois pièces tirées d'un album intitulé « Doll », produit en 2016, dont l'univers sonore inspire un climat d'étrangeté, de mystère. Il s'agit de trois croquis sonores évoquant une berceuse funèbre. À l'écoute, on pense évidemment au pouvoir de la poupée vaudou. On y perçoit des sonorités d'outre-monde, des grincements et des grognements en arrière-plan. La plainte, somme toute, d'un bestiaire un peu insondable. Les œuvres ont été créées dans le cadre d'une campagne de soutien à une radio bénévole de la région de Devon, en Angleterre. Alors, on écoute ces trois croquis sonores d'Alice, intitulés « Doll Sketch 1 »,« Doll Sketch 2 » et « Doll Sketch 3 ».

Je vous propose maintenant des extraits sonores de l'album Sweetly My Blackened Dolls d'Alice Kemp, un deuxième album sur cassette inspiré cette fois des univers de poupées étranges dotées de pouvoirs occultes, poupées manifestement engagées dans un dialogue mystérieux entre le bien et le mal, entre le raisonnable et la folie. L'univers sonore est ici plutôt onirique, très théâtral, mixant des sonorités de pluie, de tintement. Alice Kemp raconte à ce sujet qu'il s'agit d'une collection de compositions sonores créées à partir d'enregistrements sur le terrain. Le vent souffle dans les bois, on entend des voix, des ondes et l'air de la campagne. Pour ce projet, chaque cassette était accompagnée d'une boîte sérigraphiée contenant un ensemble de 4 imprimés et d'un talisman en bois de hêtre avec des cheveux humains, des bas de nylon, du fil ciré et mélangé à du tissu teint à la main, de la ficelle de jute, de la peinture et des secrets. Alors, ça résume fort bien la richesse de l'univers artistique d'Alice Kemp. Thank you. Alors voilà, ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir. Grand merci à Alice Kemp de nous avoir permis l'écoute de ses travaux sonores que vous retrouverez facilement sur l'étiquette Fragment Factory sur la plateforme Bandcamp et sur SoundCloud. Je vous invite en outre à jeter un coup d'œil sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir, ainsi que toutes les émissions diffusées et archivées jusqu'à maintenant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore, 21h sur les ondes de CKRL 89.1. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.